se parle, laisse les soucis, le stress, le travail. Même si la vie veut nous faire du mal, venez on glisse. Sorry, le mot est passé, est passé. Faut pas oublier, oublier. C'est bon, c'est calé, c'est calé, c'est calé. Oh, ça va chauffer, va chauffer. Fini les idées grises. Grâce à vous, je me motive. Je ne pars pas la dérive. C'est vous ma locomotive. Oh yeah, oh, la fête c'est qui, oh yeah. Lorsque la soirée commence et lorsque les fondés ont... Dans mon agenda.